Bonjour. Est-ce que vous voulez me dire pourquoi vous avez fait un concert sur le parvis Pour s'associer à toutes les grèves, celle des techniciens d'abord qui nous ont proposé de faire grève aujourd'hui. Donc voilà, on est très heureux de s'associer avec eux sur ce mouvement. C'est très important de participer au mouvement et voilà, je suis votre très heureuse de l'avoir fait. Hélène. Merci beaucoup, c'était super. D'un prix. Bonjour, vous avez joué ? Pardon ? Vous avez joué ? Oui. Vous jouez quel instrument ? Flûte. Juste un signe de solidarité par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. On est tous pareils et dans le même bateau. Alors, on a le même problème tous. Donc, voilà, on est solidaires. Et on lâche rien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est fermé. Il n'y a pas de représentation ce soir, du coup ? Ce soir, non. Elle a été annulée. Bon, oui, elle a été annulée, mais c'était juste une petite signe pour dire qu'on respecte énormément notre public. Et voilà, on est venu avec nos propres outils, c'est-à-dire les pupitres, tout, pour voilà, faire un petit plaisir. Votre prénom, c'est quoi ? Pardon ? Votre prénom ? Kouchia. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'au retrait.